Bienvenue à tous sur le 96.2 si vous venez de nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 17h avec spécial compas dans votre émission Groupe Tropical, le meilleur du compas pour tous les fanatiques cet après-midi entre 15h et 17h. Très très bon après-midi en ma compagnie. Arc-en-ciel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-ciel. Ça c'est neve. Ça fait neve. Nexo, c'est méchant, eh. Alors là, plus d'heure, hein. Yeah. Guetta, Jacket Number One dans votre émission Groove Tropical, spécial compas cet après-midi. Spécial compas avec des nouveautés mais aussi des coups de cœur et puis des souvenirs. On va en avoir tout l'après-midi jusqu'à 17h. Regarde moi la pensée, moi dans les swims la nuit toute la journée. 15h, 17h, c'est Groove Tropical et c'est Chantal qui vous accompagne. Connais pas gain moyen, pas j'aime quelque chose qu'on joue attention. Même l'aide t'a essayé, pas même quoi l'état vie regarder. Non, non. Chaque fois moi l'idée prêt parti, il fait ma vie, make me go crazy. Tout ça me senti, c'est un match perdu. Chaque fois, moi rencontre elle, mais gagné, I don't know what to do. Et puis, moi, ouais, yon nek, poche, moi, senti, moi, prête, pas cool. l'éternel qui a croqué. Pendant l'amour t'a multiplié. Ou la zem fait tourner tigrier. Téléphone nous toujours sous mon d'avion les wagons. Pour les pas changer, pour gaspiller. Après-midi dans votre émission Groove Tropical avec le meilleur. Oh, excusez-moi, alors là. Oh, tu étais à passer chier. Non, j'ai pas vu hein, du tout. Assez dans votre émission le groupe classe avec eux. Et puis tout de suite après, ce sera Rochelle. De nouveau, c'est la suite. c'est même ça. Si c'est la mort, tu te remarques, Marilyn. Sous-soignons pour ça, tu as dit, blabla. Les chances sont mélange de jouissance et de méritance. Ça garantit aux amis, c'est la route de sa vie choisie. C'est l'hiver, les pouvoirs, c'est même posé. Posé. La dépendance, c'est ça, il y a des défenseurs. Il faut poser la classe là. La J'ai rencontré une meuf en soirée sur Paris. On se voyait quelques soirs, on était plus qu'amis. Elle m'appelait quand ça chauffait avec son petit ami. Histoire de décompresser sur le tatami. Et toi, rien que c'était de une, on se promet et de deux. Pas de jalousie de toi, personne pas jusqu'à la fin. Bien évidemment, j'accepte, moi je risque rien sans mec. C'est pas mon souci, t'inquiète, risque pas d'y me faire. Célibataire endurci, un fou que l'on me juge. Si vous saviez ce qu'elle me disait, non là c'est pas le sujet. Quand je lui disais le génie, on m'apportait tel le bouger. Et comme toute femme qui se dit, de moi celle se sent négligée. Et t'as beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout pour me faire abdiquer, ouais. J'ai voulu être comme ma demoiselle a paniqué. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. J'ai rencontré une meuf et toujours sur Paris. Elle avait le signes, elle parlait d'avenir. Du coup j'ai pris le temps d'écouter ce qu'elle avait à me dire. J'aimais sa façon d'être et j'aimais son charisme. Le temps passé puis je kiffe dans sa présence. Et qui n'aurait pas lié jusqu'à ce qu'il laisse appel et le commence. Et j'ai toujours cinq ou six qui s'appellent un absence pour moi. Je l'avais oublié. Elle veut pas lâcher l'affaire. Elle me dit qu'elle veut me revoir. Elle a repris ses affaires. Elle a même quitté son gravat. Maintenant que j'ai quelque chose à faire, je veux plus croiser ton regard. Elle me dit que c'est la dernière. Après ça je dirai au revoir. Il t'a beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout, tout pour me faire abdiquer, ouais. J'ai voulu être fier, ma demoiselle a paniqué. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. Tous les cas ça finit mal. Tous les cas ça finit mal, mal, mal. Oh, j'ai pu ici aller une dernière fois. Je savais que j'allais faire les bons de moi. Non, là, on se venir en faire des chantages. Je dis à un nous palais de pays. Ça que la cause nous a souffri. Ça que fait c'est mon noyau prend la vie. Santiago de Chile, Santo Domingo, La Plata. Got un problema, muy bien, para darme muerda. touti sel Nou te gandi ansam koun ya Kade ki chanme Prakase yon bel amite Kamon sa blen patnem li fem bay yo Mba da den ba we men fami men ma plo Taske te gen nou ka padole Taske se li sel ke mwen desire Li fem en fou meilleur du compas dans votre émission Groove Tropical jusqu'à 17h. On nous pas bail tête nous mentir, on nous essaye réaliste, même si nous pas fait politique, situation candidate. Mais yo crasé tout yon pays, mais dignité nous n'en la vie. Nous pas d'amis, j'ai tout l'oubli sous Haïti. Fait-il la soie démagogie, opposition tout nomisme. Mais yon crasse tout yon pays, toujours que yon gal fait plus. Nous sommes patrie, nous sommes amis, pas gué la vie. Bon, Haïti ça se passe, n'a boule, Haïti toi marié, tête en bas, tout ça se fait en bas. harmonie. La FM en couleur. En couleur. La FM en couleur. En couleur. Bon, musique ça désire vous tous ces fans dans salle là. Steven, la masse est pour papa. Ça fait longtemps depuis ou pas de quitter ou pas jamais tourner. C'est pas dans ma demande tout. Yon dernière fois, problème la vie, qui cause nous séparer. Tant pis chérie, moi décide de changer la vie. Mettez sous tête moi, mettez sous cœur moi, mettez sous corps moi, moi love vous Stéphanie. Ça fait longtemps que pire pas si quitté ou pas j'entends. C'est pas dans ma pendule tout. Une dernière fois, problème la vie qui cause nous séparer. T'as pris chérie, moi décide changer la vie. Haïti tout va doux. Ça te passe, c'est une constate. Si nous l'ouvrons, c'est une bête de nos chances. C'est le moyen pour l'amour nous carré tout net. T'as pris chéri, réfléchis avant d'agir. Mettez sous tête moi, sous tête moi. Mettez sous cœur moi, sous cœur moi. Mettez sous corps moi, moi love vous Stéphanie. Mettez sous tête moi, sous tête moi. Ma caca choque, c'est vous qui tout la vie. Si vous parlez tout de même, la vie finit. Moi, non, mon petit wop, wop, sous cette main. Hello Stéphanie, l'aime de ta vie, moi qu'à rêver. Stéphanie, c'est pour pas marcher. en mode compas cet après-midi jusqu'à 17h. Le meilleur du compas pour tous les jeunes. Et oui, c'était le groupe des Garous. Je crois que l'album, il doit dater d'une dizaine d'années. En tout cas, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de souvenirs. On va continuer avec une grande page compas Goyade. Je sais que vous aimez ça aussi. Avec des nouveautés, bien entendu. Et puis, des coups de cœur. Jusqu'à 17h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Zami ou yon pa apouvem. Believe me, pa vin pou mjwe a kèw. Mwen rime ou tout bon vwe. Le fè bagay se ye avèl. Kon yon vre difisil pou fè nou konfians. Pas kon vin nan l'amou pa gen chans. Se sa m ap demande ou, can we try? Yeah, yeah. Fais-moi confiance, parce que nous avons une mauvaise expérience. One thing m'a demandé, can we try? FM en couleur. Pour m'arrêter, oui, mien, ou bien t'es né, quoi, qui t'aime plonger, faut qui t'aime nager. Thank you. mande, sou pa rien de personnel. Mwen gen yon bel, mwen aple a etre bel. Sa va kompran, koneksyon, yon pa pa pataje ave. Peti fi, son sensasyon aigre douce. Yo pa connais, yo pa connais, yo pa connais. La nourriture. Yeah, we love. On va si bien ensemble, malgré nos différences, il me semble. D'autres nous prennent le même pour exemple. On est beau, on est chanceux, on fait même des envieux. On donne toujours l'impression d'être heureux. Nous posons des seulement ça positif, mais la société pas conquise, j'en arrive. Comme tout un chacun, on connaît des hauts, des bas. Mais ça reste entre toi et moi. Tout le monde pensait que nous partons d'un fâché. De vos familles, amis, n'a pas embrassé. Dans toute relation, nous connaissons combien d'intentions. Faut faire attention. konen, yo pa konen. J'adore ce morceau extrait de l'album de New Look. C'est sorti en 2019. Et bien sûr, vous aviez reconnu le duo Harry Larivière et Jacob Desvarieux. Très très bon moment. Très très bon morceau. Voilà, il est 17h sur la FM Tout en Couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil. Bisous à tous, très très bonne fin de journée, très très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye. La FM en couleur.